Bon, bonjour, excusez-moi, je m'assois parce que depuis le 31 mars, je suis tous les jours assise par terre. Hier, j'ai acheté un tabouret parce qu'à mon âge, je commence à fatiguer et j'ai besoin de toute mon énergie pour les actions, pour courir, pour, voilà, pour aller dans les gares. Donc, pour parler, pour réfléchir, je me dis qu'assis, c'est pas mal. Alors, je suis désolée qu'on ne soit pas à la même hauteur, mais là, vraiment, c'était au-dessus de mes forces. Et alors en plus avec ce soleil, j'espère ne pas avoir besoin de mettre des lunettes de soleil, mais on va voir parce que vous, vous ne l'avez pas en face, mais moi, oui. Et il va falloir que je lise. Bon, et en plus je suis émue par le dernier débat, là, que je viens d'entendre à la fin, et qui me touche beaucoup parce qu'il se trouve que une partie de mon enfance, elle a été vécue dans un bordel, parce que c'était l'activité de ma famille à Toulouse. Que ma mère a été prostituée et que du coup, quand j'entends ces débats, c'est pas toujours facile parce qu'effectivement, il faut arriver à faire le départ entre la théorie et l'émotion. Et donc, c'est pas toujours facile et on ne peut pas juste se donner la légitimité de l'émotion qui me ferait dire que la prostitution telle que je l'ai vue dans mon enfance et un peu après, était une violence infinie. Mais en même temps, il y a des analyses intéressantes sur le travail. Voilà. Bien, mais ce n'est pas notre sujet. Mais j'avais besoin de dire ça juste pour évacuer la charge émotionnelle que j'ai ressentie. Là, notamment à travers l'intervention un peu floue, enfin fouillie, mais très, très émotionnelle de la jeune fille. Alors, je suis venue vous parler de Nizan. On avait dit 18h et puis il y a eu une erreur avec les organisateurs, c'était 15h. Je ne suis pas universitaire et du coup, il me faut du temps. Et donc, j'ai eu moins de temps que prévu pour travailler. Alors, ce que je vous propose, de toute façon, c'était ce que je voulais faire a priori, c'était de parler surtout d'un livre en particulier de Nizan. J'aurais bien aimé parler de deux, mais voilà, j'ai surtout un livre qui m'accompagne depuis de très nombreuses années, de Paul Nizan, qui est Les chiens de garde. Alors, vous avez entendu parler des nouveaux chiens de garde, je suis sûre, tout le monde. Voilà. Mais est-ce que vous avez entendu parler de ce qui a inspiré les nouveaux chiens de garde à Serge Halimi et puis en film à Balbastre? C'est-à-dire Paul Nizan, c'est-à-dire non pas les nouveaux, mais les chiens de garde. Juste pour me rendre compte, qui connaît. Merde, j'ai mes lunettes. 2 minutes. Voyons, qui connaît Paul Nizan? Donc, c'est bien. C'est bien parce que du coup, ça justifie qu'on soit là. Et donc, il faut qu'on ait un minimum d'informations tous ensemble pour pouvoir suivre. Je vais pas commencer à vous lire des extraits, ce que je vais faire tout à l'heure, pour en débattre sans que vous sachiez qui est Paul Nizan. 2 minutes parce que je suis très gênée par mes lunettes. Colle. Vous voulez pas vous rapprocher, mais qu'est-ce que ça. Vous rendez compte qu'on recrée les tribunes? Vous voyez ça? Alors moi je suis assise en plus en hauteur, ça me gêne, mais on recrée les tribunes par la distance. Et j'ai remarqué que dans l'AG du soir, au début on est tous très très près. Maintenant il y a un espace, on pourrait presque jouer. Non, pas au foot, j'exagère, je suis méridionale, mais quand même, il y a un espace de plus en plus grand. Mais ne recréons pas ce à quoi on s'oppose. Soyons proches. Alors. Paul Nizan, ben je vais commencer peut-être par ça, hein, par donner quelques éléments biographiques et de contextualisation aussi de ce livre dont je vais vous parler essentiellement, qui est Les chiens de garde, dont Serge Halimi a fait la préface et on lui doit, grâce à son livre à lui, la réédition aux éditions Agone de ce grand livre. Alors, Paul Nizan. Comme pour ceux qui étaient là quand j'ai parlé de Frantz Fanon la semaine dernière, Paul Nizan est mort très jeune aussi. Il est mort à 35 ans. Fanon était mort à 37 ans. Vous voyez, c'est des hommes qui ont eu une vie fulgurante, est extrêmement riche. Et ce qui les relie aussi, parce qu'il y a des liens dans les parcours intellectuels qu'on fait, surtout quand on n'est pas une intellectuelle, enfin au sens universitaire, etc. Leur lien pour moi, et pourquoi je viens ici en parler, c'est que c'était des hommes d'action, que c'était des pensées en action. Et moi, c'est ce qui me guide depuis toujours. Et ici, dans les Nuits debout, je ferai souvent le lien, plus que jamais. Donc, la pensée en action. Il ne s'agit pas de marcher sur une seule jambe ou d'avoir des gens qui pensent d'un côté et des gens qui agissent de l'autre. Pour moi, libre et l'avenir, le plus progressiste possible, doit faire que l'on réunisse l'action et la pensée. Et l'éducation populaire, elle est bien là-dedans. Elle est dans ce courant-là aussi. Alors, Paul Nizan est né en 1905. Il est mort en 1940 au front de Dunkerque, quand il y a eu l'offensive des Allemands contre Dunkerque. Il est mort à ce moment-là, donc en 1940, il avait 35 ans. Il a fait des études extrêmement classiques, Henri IV, il était de Tours, mais il était brillant, et il était brillant. il a en cinquième déjà, on l'a repéré, il est venu à Henri IV, ensuite il a fait Louis le Grand, où il a rencontré Sartre, puisqu'ils étaient dans la même classe, et il a passé, lui aussi, le concours de l'école normale supérieure, où c'est un philosophe, mais il a été toujours très très mal dans l'institution. Donc très vite, il va pas passer tout de suite sa thèse, il va partir comme précepteur d'un enfant d'un négociant en vin, je crois, à Aden, qui aujourd'hui est le Yémen. Il va partir là-bas et quand il va en revenir, il va rester un an, il va écrire Aden Arabi. Aden Arabi, c'est un pamphlet, tout comme Les chiens de garde. Un pamphlet, vous savez que c'est un texte qui dénonce, qui dénonce, qui conteste, très fortement, avec parfois des formules. Et c'est le but du pamphlet qui nous réveille, qui nous met en colère aussi éventuellement, hein, mais qui nous font bouger la pensée. C'est une sorte d'événement de la pensée. Donc en 31, il écrit Eden Arabi. En 32, l'année d'après, Les chiens de garde. Par ailleurs, il écrira beaucoup sur l'éducation aussi. Et puis sur l'international, puisqu'il va être journaliste à l'Humanité, et ensuite il va quitter le journal L'Humanité pour le journal Ce Soir, qui était un journal qui avait été créé avec les fonds, et encore un lien avec Nuit debout, vous allez voir, avec les fonds des Républicains espagnols. Donc c'est pas rien, hein, tous ces liens. En 1938, il écrira la Conspiration chez Gallimard. En 1939, il démissionnera du Parti communiste français auquel il avait adhéré, à cause évidemment du pacte germano-soviétique, et il mourra le 23 mai, 1940, à Dunkerque. Alors, quel était le contexte historique? Parce que vous allez voir, c'est tellement violent, mais moi j'assume la violence et même je la revendique d'une certaine manière. Et je sais que c'est ici pas tellement bienvenu. J'entends beaucoup la non-violence, le pacifisme. Bien sûr, je suis contre les guerres, vous l'avez compris, anticolonialiste, anti-impérialiste, etc. etc. Et évidemment, je ne revendique pas une violence... Mais c'est une question, je ne veux même pas continuer là-dessus parce que c'est une question, il faudrait faire d'ailleurs plusieurs échanges ici avec des gens qui pensent cette question parce que c'est une question qui va bien au-delà de il faut être gentil, il ne faut pas qu'on nous regarde mal, etc., etc. La violence est quelque chose de très complexe. Et le texte de, vous allez voir, de Nizan est violent et appelle même à la violence, voire à la violence armée. Donc je veux quand même dire quelques mots du contexte de l'époque. Alors, pour ça, je vais citer Serge Halimi. Une guerre qu'on panthéonise, donc la guerre de 14, la crise qui gronde, des colonies qu'on pressure, les vieillards qui gouvernent. Oui, quand Nizan a 20 ans, ou à peu près, Pétain à 76 ou 77 ans, rentre au gouvernement. Ouais, ça rappelle des choses d'aujourd'hui. Essayez de faire des flèches sur 2016. Hein, vous allez en faire plein, vous allez voir. Donc des vieillards qui gouvernent, une université qui s'anémie, la gauche qui fait honte. Voilà. Voilà à quoi ressemble la France de Paul Nizan quand il revient d'Aden avec l'intention d'en découdre. L'autre contexte, je vais vous lire un extrait de Marc Bloch, alors qui est à peine postérieur, puisque Marc Bloch va aussi mourir pendant la guerre de 40. Ce sont des gens qui s'engagent physiquement. Hein. Nizan, Fanon, Marc Bloch. Et en 44, très peu avant sa mort, il va écrire ça sur ce qu'il appellera l'étrange défaite. Hein, la capitulation la collaboration avec le régime nazi. Le jour viendra, et peut-être bientôt, où il sera possible de faire la lumière sur les intrigues menées chez nous de 1933 à 1939, pardon, en faveur de l'axe Rome-Berlin, pour lui livrer la domination de l'Europe en détruisant de nos propres mains tout l'édifice de nos alliances et de nos amitiés. Écoutez bien. Donc c'est en plein quand Nizan écrit Les chiens de garde. Les responsabilités des militaires français ne peuvent se séparer sur ce point de celles des politiciens comme Laval, des journalistes comme Brinon, des hommes d'affaires comme ceux du Creusot. Les hommes d'affaires du Creusot, c'est l'équivalent, c'est le syndicat des patrons, hein, qui sont beaucoup dans la métallurgie à l'époque, j'ai oublié le nom tout d'un coup, avec la chaleur c'est dur, c'est l'équivalent du MEDEF aujourd'hui. Hein. Le comité des forges, merci, voilà. Donc, des journalistes comme Brinon, des hommes d'affaires comme ceux du Creusot, des hommes de main comme les agitateurs du 6 février, mais si elles ne sont pas les seules, elles n'en apparaissent que comme plus dangereuses et plus coupables pour s'être laissées entraîner dans ce vaste ensemble. Donc à l'époque, on n'hésite pas à dénoncer, à donner les noms, le nom des traîtres pour les gouvernements de gauche, le nom des collaborateurs pour les intellectuels, les journalistes ou les patrons qui vont préférer Hitler à Staline parce qu'ils préfèrent le libéralisme au communisme. Alors, voyez bien, je brosse le contexte très vite, à grands traits, mais en gros, le résumé, je crois, n'est pas faux. Mais vous êtes là tout à l'heure pour me contredire si je me trompe. Alors, j'en reviens à Paul Nizan, les chiens de garde. Donc, vous avez vu le contexte, hein. C'est la corruption aussi, c'est les combines parlementaires. Il y a l'exposition coloniale en 1931. Hein, où on va mettre à l'honneur la mission évangélisatrice de la France. Hein. Et donc en 1934, l'entrée de Pétain au gouvernement. Oui, 78 ans. Alors, dans Aden Arabie, Nizan va dire que pas une de nos actions ne soit pure de la colère. Il revendique la colère. C'est un homme en colère. C'est un homme en colère qui quitte l'école normale supérieure, quitte à passer plus tard son agrégation pour... parce qu'il ne supporte plus l'ambiance, et notamment dans le secteur de la philosophie. Et c'est là qu'on va rentrer dans les chiens de garde. Alors, lisez-le, Aden Arabie, surtout si vous avez 20, 22, 23, 30 ans. Ça commence comme ça, j'ai 20 ans, et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Et c'est un très beau texte aussi sur la difficulté d'avoir 20 ans, de se séparer de sa famille, de devenir adulte, de son corps, de la sexualité. Il parle de tout ça, vous vous rendez compte? Dans les années 30, Nizan, un intellectuel. Je dis ça parce que ça paraît évident aujourd'hui, mais ça n'est pas du tout à l'époque. Alors il va s'en prendre beaucoup à ceux qu'il juge très responsables comme Marc Bloch, c'est-à-dire tous ces intellectuels qui... pactisent ou qui sont dans une forme T surplombante et qui méprisent les simples têtes. Les simples têtes, les têtes, c'est les gens. Moi, j'entends des gens dire autour de moi, des gens de gauche, des copains, des camarades, « Oh, mais j'en ai marre d'entendre des conneries dans les AG le soir. » Et hier soir, j'ai piqué une crise. Je le dis parce que peut-être il y avait des gens autour, parce que j'ai vraiment gueulé. Après, des bons copains, des amis, j'ai dit « Mais ça suffit, quoi. C'est quoi ce mépris ?» Bien sûr que tout n'est pas... Mais j'en sais rien, c'est pas ça le problème. On veut refaire le monde, on veut exclure les violents, les malades, les alcooliques, les SDF, les gens qui pensent pas. Ou que... Mais qu'est-ce que c'est que ce... Moi, je veux pas de ce monde-là. Alors que dit Nizan ? Les simples têtes humaines ne sont pas à l'aise dans le siècle glacial des idées. Certains d'entre eux qui parlent, pour ainsi dire, par délégation et mandat, demandent des comptes à la philosophie. Lorsqu'elle est contre eux, ou simplement lorsqu'elle ne s'occupe pas d'eux. C'est ainsi que les hommes vulgaires ont le dernier mot sur la philosophie, qu'ils ont d'abord jugé par ses conséquences. Il faut défendre enfin ses pensées de la foule contre la suffisance du penseur spécialisé. Nizan, 34, grand intellectuel et philosophe, dont Sartre a écrit des pages magnifiques, notamment l'introduction, la préface à Aden Arabi. Alors, je sens que voilà, j'avais mis plein de trucs jaunes à vous lire, mais c'est pas possible parce que j'ai envie qu'on en débatte. Alors, je vais commencer par la fin parce qu'elle est la plus importante. Et je vais vous éviter un certain nombre de choses, non pas qu'elles soient pas intéressantes, mais voilà, elles seraient trop longues. Alors, pardonnez-moi, je cherche un petit peu. Mais les choses que je veux tout à fait vous dire. La lutte fut toujours entre ces deux sortes de gens. Les uns persuadant que tout va bien ou que tout ira bien, les autres durent à se laisser persuader. Les amis de l'harmonie et ceux qui ne voient pas l'harmonie là où elle n'est point. Les uns bénéficiant finalement de la dégradation des hommes, les autres en souffrant. Les uns disant que la plénitude et que la perfection sont des songes, et les autres exigeant temporellement et réellement leur réplétion et refusant les espérances faciles, les terres promises imaginaires et les consolations que les premiers proposent. Les uns voulant faire prendre les vessies pour des lanternes, les autres obstinés à prendre les vessies pour des poches à urine. Ça, c'est le pamphlet. Mais je dis seulement que je n'aime pas la position de sujet. Je ne demande pas à la raison si j'ai raison. Je ne croirai jamais que le destin des hommes soit une vie où tous leurs pouvoirs naturels sont offensés, où sont étouffées toutes les tentations humaines. Alors, je vais aller beaucoup plus loin encore. Donc, je vais vous faire 2-3 citations encore. Ça va, c'est bon ? Bon, on y va. Oui, oui, mais c'est important. Hein. Chaque homme pense sans autre interruption que les courtes trêves de son sommeil et de ses maladies au monde qu'il touche, qu'il voit, qu'il subit, sur lequel s'applique son action. Il est bien forcé de penser à ce monde. Toute sa vie est comme un long commentaire des provocations du monde. Il forme des pensées conformes aux activités qu'il y déploie. Voilà pourquoi on est un certain nombre à voir de cette société la fin du salariat et du travail, en tout cas du travail salarié. Mais c'est un autre débat que nous aurons, mais il est en lien avec ça. Parce que quand on est soumis au salariat, aux cadences, alors ça dépend des métiers, mais quand même des métiers aujourd'hui plutôt du côté de la tête que du côté du corps, on a du mal à penser en dehors de ce qui nous opprime. Mais en même temps, c'est une bonne chose. Car c'est pas mal aussi de penser ce qui nous opprime pour pouvoir le renverser. Il faut demander à chaque homme comment il perçoit les éléments de sa vie. Son activité, son bonheur, son malheur reposent sur cette perception. Que faisons-nous depuis le 31 dans les assemblées populaires si ce n'est témoigner de nos vies, de nos peurs, de nos désirs, de nos râles, de ce qui nous opprime, de ce qui nous libère. C'est ça que nous faisons. Et en ça, point de mépris, en tout cas pour moi et pour Nizan. Alors là, je voudrais vous lire le passage où il va, après de longues explications, comment ces philosophes, ces intellectuels autoproclamés, alors ils donnent les noms de l'époque, mais on peut biffer les noms de l'époque et mettre les noms d'aujourd'hui, Finkielkraut, enfin tous les autres là, mais je parle de lui parce qu'il a fait sensation encore une fois il y a quelques jours. Quand l'heure sera... Et puisqu'il a fait la même école que Nisan, évidemment. Quand l'heure sera venue de désespérer de l'antique raison, la philosophie renoncera sans doute à ses promesses démocratiques, à ses tâches de direction, de dévouement qu'elle prétendit s'assigner. Des philosophies ouvertement réactionnaires affirmeront les exigences matérielles de la domination bourgeoise. Il y aura un établissement du fascisme dans la philosophie. Des gentils français naîtront. Les défenses bourgeoises perdront l'hypocrisie dont elles s'enveloppent encore. Il y aura la débandade des idées d'abord, puis les frisons et les balles. Donc ce qu'il dit, c'est que quand ils auront perdu là où ils excellent, sur la transformation des pensées à travers l'école, les médias, la presse, les livres et le reste, eh bien, ils feront appel à l'armée. Ils feront appel au crime, ils feront appel à la prison, à la répression. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va, comme disait Pasolini, aller à l'abattoir, gentil agneau, on va se laisser couper la tête sans rien dire? Moi, non. Gandhi, non plus. Gandhi, relisez Gandhi. Bien sûr, c'est très intéressant, mais à un moment donné, il dit, il y a un moment... où la violence est légitime. On ne peut pas se laisser... Ou alors... Bon, enfin, je ne sais pas. C'est des questions qui sont posées. Alors, lui, il y répond, Nisan. Et donc, c'est les deux dernières citations que je vais vous faire. Ce n'est pas assez de se rallier au prolétariat dans un élan sentimental qu'un autre mouvement du sentiment peut un jour détruire. Ce n'est pas assez d'éprouver la révolution de la honte, de ne plus vouloir être complice. Ces démarches ne sont que leurs premiers pas. Il leur reste, alors il parle des philosophes, des intellectuels, etc. Il leur reste à faire leurs preuves. Ils ne se regarderont plus que comme des spécialistes au service du prolétariat, longtemps nécessairement suspects. Ils doivent éviter des entreprises intellectuelles excessivement ambitieuses, ne pas croire que le ralliement au prolétariat leur ouvre la voie vers un grand romantisme philosophique. Le travail qui sera le leur est toujours difficile, mais parfois ennuyeux. La théorie n'est jamais réalisée dans un peuple que dans la mesure où elle est la réalisation des besoins de ce peuple. Les besoins théoriques ne seront-ils des, les besoins théoriques seront-ils des besoins directement pratiques? Il ne suffit pas que la pensée recherche la réalisation, il faut encore que la réalité recherche la pensée. De même que la philosophie trouve dans le prolétariat ses armes matérielles, le prolétariat trouve dans la philosophie ses armes intellectuelles. L'émancipation de l'allemand, c'est l'émancipation de l'homme. La philosophie est la tête de cette émancipation. Le prolétariat est le cœur. La philosophie ne peut être réalisée sans la suppression... sans la suppression du prolétariat, et le prolétariat ne peut être réalisé sans la réalisation de la philosophie. Et ça, c'est pas de Nisan, ça c'est de Marx, puisque Nisan était marxiste et qu'il le cite beaucoup. Et la dernière, donc de Nisan, « Aujourd'hui, nous travaillons à la machine à écrire, mais nous devons savoir que demain, cette machine peut se changer en mitrailleuse. » Aujourd'hui, nous sommes les soldats de la plume. Demain ou après-demain, nous combattrons avec le fusil. Mais nous ne devons pas oublier qu'avant ce fusil, nous ne servirons bien la révolution que si dès aujourd'hui, nous mettons franchement et catégoriquement au service du front révolutionnaire notre arme présente, la plume. Voyez ce va-et-vient incessant pour Nisan qui prendra les armes, la résistance, et qui mourra à Dunkerque en 1940. Combien Nisan fait un lien obsessionnel, systématique, mais enfin obsessionnel, c'est-à-dire ça devient une obsession pour lui, entre sa colère, l'action et la pensée. Et c'est en ça que je me retrouve personnellement chez Nisan, que j'ai souvent besoin de relire. Sans doute, nous sentons bien que notre colère et que notre impatience et que la vision de notre avenir ne se traduisent en mots et ne se déguisent sous les feuilles d'impression que faute de mieux. Sans doute nous serait-il plus précieux d'abattre que de réfuter, de nous battre que de persuader, de combattre que de gagner des combattants futurs. Nous connaîtrions une joie plus vaste et plus virile de nous asseoir dans nos maisons un soir de victoire que d'avoir travaillé la matière du langage. Le vent de cette victoire soulèverait toute la poussière de nos réfutations et nous délivrerait de nos tas de discours et de nos tas de livres et nous nettoierait de notre rhétorique. Mais l'heure n'est pas encore venue, il n'est pas encore temps. La puissance et l'effusion de cette victoire, le moment de cette victoire, il nous faut les préparer et les nourrir patiemment et sordidement. Qu'il faut des purs, de dessins bleus, de marchandages, de rendez-vous, de discussions, de persuasions et de contacts avant de voir le premier train d'une ligne nouvellement ouverte, franchir un pont nouvellement lancé. Que de problèmes, que de plans avant le moindre achèvement humain. Bon, je dis chaque fois que c'est la dernière pour l'instant, parce que vraiment je veux tenir mes promesses, mais c'est magnifique parce que ça parle de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui même, depuis le 31 mars, ici, de réfuter, de comprendre. Et c'est pour ça que je parlais au début, de nous méfier, de... Bien sûr qu'il faut être bienveillant, enfin, c'est un mot que je ne comprends pas bien, que je n'aime pas beaucoup, parce que pour moi il a des relents religieux qui m'agacent, un petit peu bonne sœur ou bon frère, je ne sais pas. Non, il faut être respectueux, il faut être à l'écoute, mais pas de n'importe quoi. Il ne faut pas s'empêcher de la colère, il ne faut pas s'empêcher l'éclat de rire, il ne faut pas s'empêcher l'émotion, il ne faut pas s'empêcher la radicalité, parce qu'on en crève. De cette eau tiède, de ces lacs à la place des mers qui pourtant nous traversent avec ces vagues. Si on est honnête chacun avec soi-même, t'es traversé par des vagues, par des rages, toi aussi, moi aussi, combien tous les jours. Et tous on l'est. Et vouloir imposer à des gens qui ne parlent pas comme nous, tranquillement, gentiment, je ne sais quoi encore, c'est encore exclure, c'est une exclusion de classe de plus. Mais cette colère, il faut la laisser venir, il faut l'entendre et il faut l'accompagner pour aller vers des horizons communs, des horizons de progrès, où il n'y aura plus de raison de la colère, peut-être, si ce n'est celle ontologique de l'humain, que nous sommes mortels et qu'on ne sait pas ce qu'on fout sur cette terre à part la détruire. Voilà la rage que celle-là jamais on épuisera. Donc toutes les autres rages, quand on veut les étouffer, quand on veut les nier, elles ressortent sous forme de bombes, sous forme de suicides, sous forme de drogues, sous forme d'alcool, sous forme de médicaments contre la dépression, sous forme de toutes les peurs qui nous oppriment. Voilà. Voilà Nizan ce qu'il m'inspire. Alors c'est une lecture très partielle, très subjective de Nizan, et une ancienne. Donc je n'ai pas eu le temps de vraiment préparer. J'ai repris ce livre, si vous voyez, il y a des couleurs partout, du rouge, du noir, du crayon. Voilà, donc j'ai repris ça et j'ai vu la fidélité que j'avais. J'ai 60 ans, j'ai mené énormément de luttes ici ou ailleurs dans le monde. Eh bien, je suis toujours fidèle, je reviens à Nizan. Donc je voulais vous l'offrir en partage et en débat. Merci beaucoup. Pardon. Non, c'est moi qui me moto-tape. Merci pour cette intervention. Est-ce que quelqu'un a une question ? Est-ce que quelqu'un a une question, c'est mieux ? Ou une remarque ? Oui, est-ce que vous ne croyez pas que justement ce qui est bon, déjà en place depuis quelque temps et qui va totalement à l'inverse d'ailleurs de cette philosophie, c'est l'utilitarisme, enfin l'apologie de l'utilité. Même une colère doit être utile pour s'exprimer. Faire du sport, c'est soit pour se muscler, soit pour se détendre, pour mieux travailler après. Dormir, c'est pas un plaisir aussi, c'est de telle heure à telle heure. Alors maintenant, ils nous ont même sorti qu'il fallait s'arrêter pendant la nuit, parce que c'est... Oui, j'ai vu ça il y a pas très longtemps, c'était pas mal de faire une nuit coupée en deux. Bon. Enfin bref, voilà. Que finalement, toute activité, même si elle pouvait avoir justement un début qui serait tout simplement de l'expression. Il faut après qu'elle rentre dans quelque chose d'utile, sinon, mais même d'ailleurs la violence, c'est-à-dire si on est violent, c'est pour une lutte. C'est voilà. Et bon, c'était. Je crois avoir parlé justement à la fin de toutes ces violences qui nous traversent et qui n'ont pas cette idée utilitaire, bien évidemment, hein, et une qui sera irréductible, hein, celle d'être au monde, quoi. Et donc moi je ne comprends pas de tous ces, moi je les appelle ces gens revenus de tout qui ne sont jamais allés nulle part, hein, ces gens qui regardent avec un peu de dédain la colère, l'engagement, l'émotion. Oui, on peut pleurer. Moi, j'ai pleuré parfois. Enfin, j'ai pleuré. Oui, des fois, j'ai pleuré d'émotion parce qu'il y avait un témoignage. Et alors ? Ça ne serait pas purement révolutionnaire, je ne sais quoi. Mais je vous emmerde. L'émotion, on est fait de ça, non ? On en crève de ça. D'être réifié, comme disait Max. Max. Oh, il est libre, Max. Marx. Hein ? Que nous devenions des machines, non seulement nos corps, avec la chaîne et le reste, mais nos esprits, regardez dans les entreprises. On vous apprend à calmer l'émotion, hein, les risques psychosociaux, les stages à la noix pour vaincre nos peurs. Voilà, donc oui, je partage. C'était pour revenir sur ce que Nizan disait au sujet de la colère, ou je ne sais plus si c'est toi qui parlais de sa colère, mais c'était pour dire que la colère, c'est une émotion, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. C'est comme la tristesse ou la joie. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut maîtriser, c'est le sentiment. Et on peut être en colère sans éprouver de la haine. Et ça, je pense que c'est important et qu'il faut qu'on garde tous à l'esprit que notre colère, elle est légitime. Par contre, notre haine, elle ne l'est pas. On peut être très en colère sans éprouver de la haine, et la haine ne fait que engendrer de la violence destructrice qui n'aboutira jamais à quelque chose de bon. Alors que si on a une colère positive, la violence ne pourra que entraîner des choses positives. C'est un grand débat que vous ouvrez, parce que la haine, c'est aussi un sentiment. Pour avoir éprouvé beaucoup de colère depuis que je suis née, j'ai parfois, je l'ai dit au début quand j'étais dans l'émotion de ce qui venait de se dire avant sur la prostitution, eu la haine contre ceux qui ont prostitué ma mère et qui m'ont harcelée, et physiquement et sexuellement. J'ai eu de la haine et envie de tuer. Voilà. Après, c'est vrai qu'un travail sur soi va aider à dépasser ça, parce que la haine, contrairement à la colère, et là, c'est là la différence, et Nizan ne parle que de colère, il ne parle pas de haine, mais il parle de la colère jusqu'à éventuellement prendre les armes, la colère contre la bourgeoisie, etc., ou le fascisme, ou l'extrême droite. La haine vous attache, vous relie, vous asservit à celui qui la provoque. Et en ça, c'est vrai qu'il est nécessaire quand elle vient, comme la colère. Donc voilà, mais ça demande du temps. Et c'est pour ça que la lenteur, y compris et surtout quand on veut faire une pensée collective comme ici et avoir un projet de société d'un autre monde, la lenteur est nécessaire. La lenteur est nécessaire pour se comprendre soi-même, soi-même avec les autres, face aux autres, les autres face à nous. Pour se déterminer et pour qu'un jour, effectivement, on puisse avancer. Mais pour ça, il va falloir beaucoup de débats. Et pas forcément des débats de 2 minutes chacun, avec que des mots gentils. Et sans, vous voyez, toutes les critiques ad hominem qu'ils font. Parce qu'un jour, moi, on m'a dit ça. J'ai dénoncé le groupe socialiste au Parlement européen. Par les votes. Après tout, ils sont élus sur un programme. Il y a des votes nominaux. On sait que vote chaque député. Et donc, moi, j'avais dénoncé les votes du groupe socialiste à l'époque contre la loi Taubin. Vous voyez, c'était pas une loi très révolutionnaire, mais quand même. Et Jacques Attali m'avait, dans une enceinte, m'avait accusée de faire de la dénonciation, etc. Mais j'ai dit, mais c'est pas de la dénonciation, c'est de la responsabilisation des hommes et des femmes qui se présentent au peuple pour être élus par eux, avec des promesses. Donc après, bah, s'ils font pas ce qu'il faut, il faut dire, ou alors on vote de manière anonyme et on tire au sort. Moi, je suis plutôt pour ça. Mais si c'est pas ça qu'ils nous proposent, puisqu'ils sont en train de s'écharper de nouveau pour faire des primaires, eh bien, à chacun, on va lui dire, dis donc, Coco, tu m'as fait voter ça, enfin, pas moi, hein, mais tu as fait voter ça, et t'as fait ça. Qu'est-ce qui se passe là? Et ça, c'est pas de la dénonciation. Aujourd'hui, on ne peut plus dire les choses. Il y a des choses... Les gens aiment avoir des fétiches. Ici aussi. On reproduit ce qu'on reproche. On reproche que les gens aient des faux... Enfin, des faux fétiches. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Je vois bien le pléonasme que je fais. Des faux fétiches pour les remplacer par ceux qui seraient... nos vrais fétiches. Mais c'est toujours des fétiches. Et ça, il faut que ça cesse. Y compris dans la forme. Je le disais tout à l'heure, comment ça se fait que dans l'AG, il y ait de plus en plus de distance entre le lieu où on prend la parole avec le micro et le reste de la salle? Comment se fait-il qu'on va s'enfermer à la Bourse du Travail, tribune et des gens prévus par avance? Comment tout ça? Je sais bien que je fais pas plaisir à mes amis, à mes camarades. Je ne les soupçonne de rien. Je dis juste que c'est pas ça que nous devons reproduire et que nous devons y compris nous atteler, mais ça va prendre un temps fou et des disputes, prendre des formes nouvelles. Oui, oui, mais je l'ai dit tout à l'heure, vous n'étiez pas arrivés, on a fait rapprocher. Moi, je me suis mise sur un tabouret, pas pour être au-dessus, mais parce que mes genoux de 60 ans, depuis 3 semaines, là, j'en peux plus, et je veux les garder pour courir, pas pour être assise. Donc là, maintenant, je me suis acheté ça, là, 6 euros en face, et voilà, bon, j'ai décidé de m'asseoir. Voilà. Vous avez parlé d'armes, et je me suis dit, bien, mais en fait, finalement, notre arme, c'est notre capital. Le capital, l'argent, c'est une chose, mais le vrai capital, c'est le capital qu'on a à chacun, en fait. Puis après, il y a eu tout un détournement pour dire que, enfin, voilà, mais faut pas oublier que on peut se passer du capital de l'argent, mais notre capital, il faut pas l'oublier. Puis c'est ça, notre grande arme, en fait. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Je voulais juste qu'on s'interroge collectivement sur l'engagement des intellectuels dans les conflits armés, c'est-à-dire dans la résistance en 40. Dans la résistance en 40, je propose quelques pistes, puis vous me direz. Hein. Voilà. Mais du coup, la résistance en 40, c'est sur le territoire national. La guerre d'Espagne, j'ai l'impression que ça réunit comme une identité de classe, quoi. Peut-être que je me plante. Dans la guerre d'Algérie, c'est toujours le territoire national, entre guillemets, mais de l'autre côté de la Méditerranée. Et aujourd'hui, la France en guerre en Syrie produit assez peu de départs vers la résistance contre l'État islamique, contre le régime de Bachar el-Assad, contre toutes ces forces-là, produit assez peu, d'un côté, d'engagement dans la lutte armée contre la guerre en Syrie, et de l'autre côté, assez peu d'engagement pour un pacifisme contre la guerre, quoi, sur notre territoire national. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du rapport des intellectuels, des élites, des je sais pas quoi, à ces engagements-là dans les conflits armés qu'on lit en ce moment? Je sais pas, là, je vais réfléchir en parlant, parce que c'est vrai, c'est une vraie question. C'est-à-dire que moi, ce qui m'interroge dans l'engagement des intellectuels, que ce soit dans la guerre d'Espagne, que ce soit dans la résistance, que ce soit en Algérie, j'ai fait un topo sur Fanon la semaine dernière, et puis de bien d'autres dans d'autres conflits. C'était des moments où on savait pourquoi on se battait. Et c'était clair. Et d'ailleurs, les communistes, pour parler de la période que vous avez plutôt citée, la guerre, la dernière guerre, enfin, la guerre de 39-45, on savait pourquoi on se battait, et du coup, on pouvait retrouver les catholiques de gauche, les gaullistes, les communistes, etc., dans la résistance. Après, ça a été autre chose. Dans la guerre d'Espagne, même s'il y a eu des, évidemment des conflits pendant la guerre d'Espagne, il y avait les trotskistes, les communistes, les républicains, etc., les anarchistes, oh là, les anarchistes, voilà. Et aujourd'hui, je crois que confusément, nous savons que ces guerres-là ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas les guerres du peuple. Ce sont des guerres pour des enjeux qui ne sont pas les nôtres, qui sont ceux de la bourgeoisie, qui sont ceux des vendeurs d'armes, qui sont ceux qui veulent exploiter les terres, qui sont des rapports de force impérialistes avec les États-Unis, etc. Donc, je ne crois pas que ça donne envie d'aller trouer sa peau, quoi. Hein, je crois que là, il n'y a pas grand monde qui veut y aller. Ensuite, ces guerres, elles sont, on a beau dire et en parler tous les jours, c'est vrai qu'elles sont lointaines au fond et qu'on a l'impression que nous ne sommes pas en guerre. Et d'ailleurs, on ne nous dit qu'on est en guerre que contre quelque chose qui n'est pas une guerre, c'est-à-dire le terrorisme. Vous voyez, il y a le truc bizarre. Hein, c'est assez le mensonge et l'hypocrisie. Donc, flou fait que je crois que c'est pas la guerre des peuples. Ils ne veulent pas la faire. Tout comme Jaurès ne voulait pas faire la guerre de 14. Vous voyez, il y a des guerres. C'est pas du tout la même chose. La résistance en 1945 ou au franquisme ou au nazisme. Que ces guerres-là. Enfin, mais j'ai vraiment le sentiment de ne pas y répondre. Je réfléchis avec vous, quoi, hein, là-dessus. Hein. Mais en tout cas, Nizan, lui, va s'engager. Cela dit, on ne sait jamais combien on est. Moi, je me souviens toujours de ce vers d'Éluard, qui est un beau poème, je ne le sais pas par cœur, mais j'ai toujours retenu ça, je ne l'ai pas amené, là, parce qu'on ne sait pas combien on est de résistants aujourd'hui. Parce que c'est quand même une guerre. La dame tout à l'heure parlait avec notre capitale de cœur, de conviction. Mais c'est une vraie guerre, la guerre économique. Il y a des morts. Il y a eu des morts comme Rémi Fraisse et plein d'autres. Il y a des morts tous les jours. Combien il y a de morts tous les jours sur les chantiers? Combien de paysans se suicident chaque jour? Combien il y a de gens qui se suicident sur leur lieu de travail? On n'en parle jamais. Combien d'accidents de travail? Combien de gens complètement lobotomisés par des antidépresseurs? C'est une guerre. Et parfois aussi avec les armes de la police ou des CRS en face. Une guerre économique. Et donc, parfois, on est obligé d'en tenir compte, parce qu'on ne va pas se laisser tuer comme des moineaux. Peut-être un jour, je ne sais pas. Je ne le souhaite pas, je ne l'espère pas. Mais quand même, on sait que la force est là, elle est là tous les soirs autour de nous, ils ont des armes. Ils ont des armes. Donc si on ne se pose pas tranquillement, tant qu'il est temps, cette question, alors, Éluard disait, il n'était que quelques-uns, ils furent foule soudain. Nous sommes peut-être une foule de résistants, mais on ne le sait pas encore. Juste une toute petite note d'espoir là-dessus, où tu disais que on ne sait pas contre quoi on se bat. Il y a quelques espaces où on sait contre quoi on se bat. Je pense notamment aux oppositions au grand projet d'aménagement du territoire sur les ZAD, et notamment en Grèce, dans le nord de la Grèce, dans la Chalcidie, une mine d'or à ciel ouvert qui réunit dans la lutte contre la mine d'or à ciel ouvert les prêtres orthodoxes qui ont leur monastère, les mémés du coin et les anarchistes insurrectionnalistes, mais on les voit tous faire usage d'armes fabriquées par eux-mêmes, quoi, mais d'armes quand même. Il y a la même chose sur la lutte du NOTAV à la frontière entre la France et l'Italie, donc ça se rapproche. Et par ailleurs, oui, en Grèce, on voit beaucoup d'intellectuels se positionner, voire aller sur le terrain pour lutter pour la défense d'un territoire. Peut-être qu'il y a différentes explications, notamment la guerre civile qui est pas très loin et le clivage entre fascistes et anti-autoritaires qui est encore très présent en Grèce. Mais ça se rapproche, quoi, de la Grèce jusqu'à la frontière italienne en France, à Caen, des intellectuels allant effectivement défendre par leur présence physique des ZAD comme Notre-Dame-des-Landes ou autres. Moi, je voulais juste revenir très rapidement sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur l'utilité, sur l'utilitarisme. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. À mon avis, notre utilité à nous, notre utile propre, il est justement trusté par... ce qui serait utile pour nous, ce serait d'être productif, ce serait d'être en forme, ce serait etc. Alors qu'au contraire, si on peut pas forcément décider, certainement pas, décider quels sont nos sentiments, on peut décider sur quoi est-ce qu'il est utile d'agir ou non, etc. Sur la question aussi de l'engagement et éventuellement de la violence, c'est-à-dire de l'engagement armé, etc., il me semble que, au fond, il devient évident cet engagement au moment où on y est quasiment obligé. Et au fond, la résistance de Nizan, elle l'illustre très bien, quoi. C'est au moment où on est clairement attaqué. Et plus généralement, sur ce qui se passe ici, au fond, à Nuit Debout, il y a effectivement beaucoup d'appels à la bienveillance, mais aussi à la non-violence, comme si c'était une sorte de fétiche, peut-être. Eh bien, sans doute, c'est très beau, cette non-violence, cette discussion permanente ici. Mais si un jour, ce mouvement-là en venait à ébranler quelque chose du système dans lequel on vit, ce dont il faut être conscient, à mon sens, c'est que la violence, elle va s'abattre sur nous, quoi, de manière extrêmement brutale et bien plus brutale que celle que d'un jet de caresse, quoi. Et donc, voilà, enfin, simplement ça que je voulais dire. Et à mon avis, oui, l'engagement physique, il y a un moment, il s'impose à nous, en quelque sorte, quoi. Oui, je suis arrivée un petit peu en cours de conférence, mais bon, l'engagement, tout ça, ça me parle. La colère qui permet d'avancer et de lutter, et la haine qu'il faut, quand on s'y est laissé aller, eh bien... Si c'est uniquement en parole, ça peut permettre quand même de rebondir. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé d'armes, de gens qui tous les jours meurent dans l'anonymat, d'un énorme et collectif crime d'État. N'oublions pas aussi la violence interne à notre groupe, d'Européens, qui consiste à nous laisser dans l'idée d'hériter des guerres, par exemple la grande idée de la rareté. Et cette idée de rareté, héritée des guerres et de nos parents et grands-parents, nous empêche de penser à, par exemple, à accueillir tous ces migrants qui naufragent par milliers et qui vont continuer de naufrager par milliers avec nos espoirs, si on continue à être les propres fachos de nos futurs et déjà tangibles potentiels dictateurs. Alors, peut-être faut-il... suivre l'exemple des enfants. Je suis moi-même étonnée de ce que je suis en train de comprendre qui se passe en ce moment. Ça démarre en Angleterre, c'est en train de se répandre en France, dans les écoles, les villages, beaucoup plus qu'en ville, parce que la ville, ça nous oppresse, en fait. C'est une prison potentielle. Si jamais ça pète, justement... On sera les premiers à être en prison, privés de tout. Donc ça se passe chez les enfants, parmi les enfants, dans les écoles des villages et voilà. Parce qu'ils en ont peut-être marre d'entendre les adultes parler. Alors le fameux mouvement incroyable comestible, on connaît un petit peu, mais sans plus quoi. Les gamins, eux, ils nous prennent au mot, ils le font. Ils font quoi? J'avais pas percuté, moi. Il a fallu qu'une copine m'en reparle, me montre une vidéo. Regardez la vidéo d'un certain François Rouillet. Rouillet, R-O-U-I-2-L-A-Y. Voilà. Je vais vous l'écrire. Je vais vous l'écrire sur un petit panneau. Laisse-moi finir. Ce François Rouillet donc explique très bien qui disait aux enfants, ben voilà, si vous récupérez les pépins de pommes bio de préférence, et ben si vous êtes beaucoup à faire ça, et si vous, c'est assez simple, c'est même très simple de vous mettre à planter, ou sûr, en étant sûr à semer, à planter, et en étant sûr de produire. Et d'avoir au bout de pas plus de 8 ans, 8-10 ans, des milliers de beaux pommiers, poiriers, etc. Alors les gamins l'ont fait. Ça y est. Ça fait 15 ans et les gamins l'ont fait. Et devenus grands, puisqu'ils ont grandi avec leurs pommiers plantés, n'importe où d'ailleurs, les adultes étaient pour. Enfin, quelque chose pour laquelle les adultes laissent faire les gamins. Et devenus lycéens ou étudiants, ces jeunes, ben maintenant, ils cornaquent les plus petits. Et donc, ça se passe en production extensive de fruits, légumes, non seulement pour le village et pour la famille et pour les copains, mais pour partager, pour donner. Pour donner et pour retrouver l'idée d'abondance. Parce que cette idée d'abondance, elle est très importante pour nous rassurer du reste. Elle est super importante. Voilà, j'arrête parce que je pourrais. Alors il reste 5 minutes. Est-ce que avant la merci. Est-ce qu'avant la conclusion, quelqu'un aimerait intervenir ou poser une question? J'aimerais revenir sur la violence, parce qu'on en a pas mal parlé, et j'aimerais qu'on puisse distinguer au moins 3 types de violences, c'est-à-dire les violences physiques, les violences matérielles et les violences symboliques. La violence physique, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. La violence matérielle, bien, c'est quand on détruit des biens, mobiliers ou immobiliers. Et la violence symbolique, c'est quand... Ben, par exemple... Quand on sait qu'il y a un taux constant d'élèves qui sortent du primaire de 15% d'échecs scolaires, on dit que ce sont les élèves qui sont en échec scolaire. On ne dit jamais que c'est l'éducation nationale qui est en échec. Donc ça, c'est une forme de violence symbolique, puisque les élèves vont intégrer le fait que... pardon, qu'ils sont violents. Qu'ils sont nuls. Partant de là, on peut voir que l'État exerce sur nous déjà énormément de formes de violence symbolique et matérielle, en nous privant de nos maisons, en nous faisant croire qu'on est misérable, en détruisant la nature et l'environnement pour les générations à venir et pour les nôtres. Et donc, la violence physique, l'État commence aussi, ça fait quelques temps qu'elle s'en prend à nous, par l'intermédiaire de la police. Et quand on parle de résistance non violente, on essaye de bannir la violence physique, en fait. Voilà. Alors c'est la conclusion, enfin c'est pas une conclusion. Oui, c'est normal qu'on parle beaucoup de la violence parce que avec les chiens de garde, il n'y a pas que la dénonciation, il y a tout ce qu'on a vu. La violence est un vrai sujet. J'espère qu'il y aura plusieurs conférences ici pour pouvoir travailler cette question parce qu'elle est très importante. Donc moi j'ai pas vraiment de conclusion à faire, si ce n'est de vous inviter à relire des textes tels que Nizan, Fanon et beaucoup d'autres, d'échanger des textes, pas forcément des livres entiers, si on n'a pas envie de les lire ou si on ne les trouve pas, mais on peut photocopier des textes aussi, et qu'on continue à débattre comme ça. Je pense que ce qu'on fait là est très important, comme pour semer tout à l'heure, Madame disait, ça rassure qu'on puisse parler entre nous, qu'on puisse avoir quelques flambeaux dans l'histoire, dans le passé, non pas pour servir de loi, certainement pas, pas d'exemple, mais en tout cas nous permettre de réfléchir et surtout nous encourager. Donc voilà, moi j'avais envie qu'on entende cette voix d'un intellectuel de l'école normale supérieure, de ce philosophe, de cet homme engagé jusqu'à la mort, puisqu'il est mort au front, et de cet homme qui a su... dans son temps, avec la violence en retour institutionnelle, mondaine, personnelle, subir, parce qu'il dénonçait ses pères. Il lavait son linge sale en dehors de la famille, en famille et en dehors. Et surtout, il ne se trompait pas, et moi j'adore quand il dit « qui sert la bourgeoisie ne sert pas les hommes ». Alors bien sûr, aujourd'hui, bourgeoisie, ça ne dit pas grand-chose. Ben si, c'est ce qui ne bouge pas, c'est ce qui est arrogant, c'est ce qui a les moyens de son arrogance et de son, du fait de ne pas évoluer. C'est ce qui est méprisant vis-à-vis du peuple, c'est ce qui n'est pas obligé de vendre son corps et sa tête à n'importe quel prix, bien que de plus en plus la bourgeoisie aussi s'asservisse, etc., etc. Et je pense que relire Nizan peut nous aider, y compris dans La Nuit debout. Voilà. Donc moi, je suis très heureuse de ce moment. Il y aurait plein de débats, la violence, l'autosuffisance, et même plus la comment vous avez dit, la profusion, l'abondance. Voilà, l'abondance, etc. Le fait de pouvoir semer ses propres graines sans passer par Monsanto, quand même, c'est fou. Il va falloir bientôt payer l'air qu'on respire, quoi. Mais vous rendez compte des absurdités qu'on accepte? Mais c'est dingue, quand même. C'est fou quand on y pense. Une graine qu'on a pris dans son jardin, on ne peut pas reproduire parce qu'il faut passer par Monsanto. Mais on est où, là? Et l'air qu'on respire et tout le reste. Donc voilà, je crois que toutes ces questions-là, il va nous falloir beaucoup de temps. Ne nous précipitons pas. N'essayons pas de voter à tout prix pour un programme. S'il y a un programme, il va falloir quelqu'un pour le porter. On va se déchirer. Un programme, on va se déchirer aussi parce qu'un programme, ce n'est pas un avenir. Un programme, c'est des solutions très concrètes. On va les trouver au fur et à mesure. N'ayez pas peur. Par contre, regardez un horizon commun. Ça oui, et on a commencé à ouvrir la fenêtre, un petit peu la porte, maintenant il nous reste à faire le chemin. Eh ben, cheminons, ne nous précipitons pas. Merci beaucoup pour cet éclairage.